après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant tes yeux? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me souviens du temps où j'allais à ta maison, conduit par la foule dans la joie de ton feu. La nuit, son cantique est auprès de moi. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Dis-moi, je suis blessé par les insultes. Quand on